partager ma brassarde. La dernière avant le départ. Je voudrais tellement rester là. Partage avec moi la brassarde. Qu'est-ce que c'est fruité, qu'est-ce que c'est bon. Ne me laisse pas rentrer à la maison. Mais tu cours avec ta combinaison. Tu espères entre les vagues que je revienne à la raison. Viens partager ma brassarde. La dernière avant le départ. Je voudrais tellement rester là. Partage avec moi la brassarde. Oh oh oh, wow. C'est le fait que tu me fais à chaque fois. Je sais c'est mal de prendre des bacs à la place de bouteilles grand format. En plus je suis sur la paille. Histoire de partage. Et peut-être que jamais l'on ne se reverra. Partage avec moi là. Là. Viens partager ma brassarde. Viens partager ma brassarde. Viens partager ma brassarde. Oh, oh, wow.